The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Towards. En direction de. Invalide. Les invalides. To stop. S'arrêter. Due to. En raison de. Traffic. Le trafic. To interrupt. Interrompre. RER or suburban train. Le RER, réseau express régional. End of the line. Le terminus. Inconvenience. La gêne. Now, a bit faster. Due to. En raison de. Inconvenience. La gêne. To stop. S'arrêter. RER or suburban train. Le RER, réseau express régional. Towards. En direction de. Invalide. Les invalides. Due to. En raison de. Invalide. Les invalides. To stop. S'arrêter. End of the line. Le terminus. To stop. S'arrêter. Towards. En direction de. To stop. S'arrêter. To interrupt. Interrompre. To stop. S'arrêter. Traffic. Le trafic. Invalide. Les invalides. To stop. S'arrêter. Towards. En direction de. Now, use the words in context. En direction de. The President of the Republic is heading towards the Élysée Palace. Le président de la République se dirige en direction du palais de l'Élysée. S'arrêter. Since it's faster, the TGV takes more time to stop than other trains. Comme il est plus rapide, le TGV met plus de temps pour s'arrêter que les autres trains. Le trafic. That strike has disrupted the railroad traffic. Cette grève a perturbé le trafic ferroviaire. Interrompre. That politician was interrupted during his speech by a stranger. Ce politicien a été interrompu durant son discours par un inconnu. Le terminus. The end of the line of this train is the Marseille train station. Le terminus de ce train est la gare de Marseille. En direction de. The President of the Republic is heading towards the Élysée Palace. Le président de la République se dirige en direction du palais de l'Élysée. Interrompre. That politician was interrupted during his speech by a stranger. Ce politicien a été interrompu durant son discours par un inconnu. Le terminus. The end of the line of this train is the Marseille train station. Le terminus de ce train est la gare de Marseille.